Le président zambien Edgar Lungu a fait parvenir un message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. Le destinataire a adressé ses meilleurs vœux aux camarades Kim Jong-un et au peuple coréen à l'occasion de l'année 2017 et souhaité à la nouvelle année la coopération dans tous les domaines possibles, ainsi que santé aux camarades Kim Jong-un et prospérité à la République populaire démocratique de Corée.